Chapitre 4e. Extrait de l'interrogatoire que le juge d'instruction fait subir dès son arrivée au concierge du numéro 6 de la rue de la Paix, dans l'appartement où le crime a été commis. D. Quand avez-vous eu connaissance de l'assassinat qui nous occupe? R. Il y a une heure. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier pendant la soirée et la nuit dernière? Non, monsieur. La croisée de la chambre de Maurice Vidal donne sur la cour. Vous habitez en face. Il paraît étrange que les cris de la victime ne soient pas venus jusqu'à vous. J'ai eu toute la soirée du monde dans ma loge. Mon beau-frère, garçon de bureau au ministère des Finances, le concierge du boulevard des Capucines, numéro 41, et une cousine de ma femme. Nous avons pris le café et bu le Gloria jusqu'à 11 heures, et nous n'avons rien entendu. À quelle heure est rentré hier Maurice Vidal? À 7h30, aussitôt après son dîner. Lui avez-vous parlé? Oui, monsieur, pour lui demander s'il n'avait pas besoin de moi. Mais il a refusé mes services en me disant qu'il allait écrire 2 ou 3 lettres et qu'il se coucherait de bonne heure pour se trouver le lendemain à l'arrivée de la diligence de Marseille. Faudra-t-il réveiller monsieur? Et j'ajoutais. C'est inutile, a-t-il répondu, je me réveillerai bien tout seul, si toutefois je parviens à dormir. Ainsi vous étiez chargé, depuis quelques jours, du ménage de monsieur Vidal? Oui, monsieur. Je montais le matin à 10 heures, prendre les ordres de monsieur. Ensuite, je ne le voyais plus, il sortait pour ne rentrer que le soir. Venait-il du monde, le matin, chez lui? 2 ou 3 amis, toujours les mêmes. Il paraissait très pressé, causait un instant affaire de bourse et partait aussitôt. Ainsi, vous n'avez, dans ces derniers temps, remarqué aucune personne étrangère chez monsieur Vidal? Pardon, monsieur. Il est venu avant-hier, vers les 5 heures, une personne que je n'ai jamais vue. C'est un grand jeune homme blond, très élégant, très beau garçon, l'air un peu fatigué. En apprenant que monsieur était sorti et ne rentrerait probablement pas, il a paru très contrarié. Il m'a dit qu'il reviendrait le lendemain matin. Est-il revenu? Non, monsieur. Vous en êtes certain? Oui, monsieur. J'en ai même fait la remarque à monsieur Vidal, qui m'a répondu « Oh, je ne tiens pas à sa visite ». Vous connaissiez donc son nom et vous l'aviez dit à monsieur Vidal pour qu'il ait pu vous faire cette réponse? Non, monsieur le juge, mais j'ai tracé son portrait à monsieur et il l'a tout de suite reconnu. Êtes-vous certain que cette personne n'est pas revenue hier dans la soirée? Je ne l'ai pas vue. Quand vous serez en sa présence, vous la reconnaîtrez facilement? Très facilement. Avez-vous examiné le couteau poignard trouvé dans cet appartement et qui a évidemment servi à commettre le crime? Oui, monsieur. C'est moi-même qui l'ai aperçu sous un meuble. J'ai tout de suite appelé monsieur le commissaire de police. Ce poignard n'appartenait probablement pas à monsieur Vidal. Au contraire, monsieur, il était toujours sur sa table de travail, il lui servait même quelquefois de couteau à papier. Vous réfléchissez bien à ce que vous dites. Ce détail a une grande importance. Oh, je suis certain de ne pas me tromper, monsieur. Au reste, madame Vidal, mademoiselle Marietta et tous les amis de monsieur connaissaient ce couteau poignard. Note confidentielle remise par le commissaire de police de la Bourse. Au moment de sa mort, Maurice Vidal ne devait pas avoir de valeur importante chez lui. Il avait apporté la veille 30 000 francs provenant de ses économies et de ses derniers courtages à M. R., agent de change, et l'avait chargé d'acheter de la rente au nom de sa femme. Quant au titre qui lui était confié par des clients, soit pour les ventes, soit pour les transferts, il est notoire que M. Vidal avait l'habitude de les remettre à la banque ou chez le Sieur R., qui se trouve encore en ce moment dépositaire de quelques actions de chemin de fer. M. Vidal n'avait qu'un petit nombre de clients qu'il connaissait de longue date et lui arrivait fort rarement d'en accepter de nouveaux. On attribue généralement cette réserve à une perte importante que lui aurait fait faire en 1845 un Sieur Blondeau parti pour l'Amérique au moment où il avait à payer des différences considérables. Une autre personne, connue à la Bourse sous le nom d'Albert Savary de Montbrisé, passe aussi pour devoir depuis 3 ans à M. Vidal une somme de 50 000 francs environ. Cette dette donna lieu l'année dernière à une scène regrettable. M. Vidal, apercevant tout à coup son débiteur près de la corbeille des agents de change, marcha droit à lui et lui dit « Monsieur, lorsqu'on ne paye pas ces différences et qu'on disparaît les jours de liquidation, on devrait avoir au moins la pudeur de ne pas se montrer ici. » « Monsieur, répondit assez effrontément le Sieur Savary, je ne reçois pas de leçons. « Eh bien, vous en recevrez une aujourd'hui. Je vais vous mettre à la porte et vous faire défendre à l'avenir l'entrée de la Bourse. » L'effet allait peut-être suivre la menace, quoique l'adversaire de M. Vidal fût d'une taille assez imposante, lorsque plusieurs personnes s'empressèrent d'intervenir. De ce conflit, il résulta que le Sieur Savary fut obligé, pour reparaître les jours suivants à la bourse, de souscrire 50 000 francs de billets qui ont dû échoir dans le courant du mois où nous nous trouvons. Il paraîtrait en outre que ces billets n'ont jamais été mis en circulation et que M. Vidal les avait gardés chez lui. « Je sais qu'ils ne sont pas payés à l'échéance, » disait-il dernièrement encore à M. de Rostaing, un de ses amis, demeurant rue de Thébou 14, et de qui nous tenons directement ces propos. « Je n'ignore pas que si je poursuis, j'en serai pour mes frais, puisque la loi ne reconnaît pas les dettes de bourse, et je compte me donner cependant la satisfaction de faire un procès à M. Savary, dont l'aplomb, l'évidente mauvaise foi et l'insolence m'ont révolté. Plusieurs personnes m'ont fait perdre de l'argent, mais j'ai tenu compte des circonstances malheureuses où elles se sont trouvées, et loin de leur en vouloir, je les ai souvent obligées. Il n'en est pas de même de M. Savary, » ajoutait-il, et ses paroles étaient empreintes d'une grande amertume. « J'attends avec impatience le moment où je pourrai lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. » Tels sont, monsieur le juge d'instruction, les renseignements obtenus jusqu'à ce jour. S'il m'en parvient de nouveau, je m'empresserai de vous les adresser. On est fort ému à la bourse de la mort de M. Maurice Vidal, qui était très aimé et surtout très estimé. Il se forme à chaque instant sous mes yeux des groupes de plusieurs personnes où il n'est question que du drame de la rue de la Paix. Pendant que ces premiers rapports, qui constituent les éléments de toute information judiciaire, partaient de différents points pour aboutir au parquet du procureur du roi, n'oublions pas que nous sommes en 1847, Julia Vidal était sous le coup de la plus vive douleur. Elle avait été précipitée en un instant de la plus haute félicité, dans le malheur le plus complet, le plus irrémédiable. Elle arrivait, après une longue absence, émue du retour, enivrée à la pensée de revoir l'être aimé, palpitante de bonheur, fiévreuse d'impatience, et tout à coup, sans préparation, sans que rien pût lui faire deviner son infortune, elle trouvait l'amour installé à son logis, le crime à son chevet. Ses bras, qu'elle s'attendait à voir l'envelopper et l'étreindre, pendaient inertes et froids, ce cœur qui devait se presser contre le sien ne battait plus, ses lèvres, qui auraient cherché les siennes, étaient pâles, déjà glacées. Une grave maladie atteint une personne qui vous est chère. Vous accourez près d'elle, vous lui prodiguez vos soins, vous l'entourez de votre tendresse, vous l'aimez en proportion du peu de temps qu'il reste à vivre, et vous donnez votre cœur tout entier. Le mal s'aggrave, et vous vous pressez de plus en plus contre le chevet de votre cher mourant. Vous lui demandez ses derniers ordres, vous lui arrachez ses dernières volontés, vous quêtez un de ses désirs pour le satisfaire. Sa dernière pensée est pour vous aussi sa dernière parole et son dernier sourire. Quand il ne sera plus, vous vivrez dans ce passé de quelques jours, et les souvenirs qu'il vous a laissés, tout cruels qu'ils sont, vous aideront peut-être à souffrir avec plus de courage et de résignation. Mais être frappé, comme l'a été Julia Vidal, aussi inopinément, n'avoir pas la suprême consolation de recueillir ses paroles, ses étreintes, son regard. Avoir quitté un homme plein de force, de santé et d'amour, et ne retrouver qu'un cadavre, c'est affreux, et près d'elle, pas une amie, un parent, une mère, Marietta, et c'est tout. Car Julia est étrangère à Paris, et tout entière à son amour, dans l'égoïsme de sa passion, elle n'a jamais songé à se créer des relations, à se faire un entourage. Si encore, elle pouvait prier et pleurer à son aise auprès de ce cadavre qui est maintenant son seul bien. Mais non, ce cadavre même ne lui appartient pas, il appartient à la justice. C'est la justice qui a mission de le surveiller, de l'examiner, d'ordonner l'autopsie s'il y a lieu. Elle remplace les parents, la veuve, la mère, car elle représente plus que la famille, la société outragée par un crime. Ce crime, malgré le mystère qui l'enveloppe et que nous n'avons pas encore pénétré, ne peut rester impuni. Mais quelle marche suivra la justice ?